Fantastica. Bienvenue à vous tous à cette version abrégée de l'émission intitulée Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une des multiples chroniques réalisées dans le cadre de notre émission radio qui existe depuis 2003. Fantastica est une émission radio diffusée sur le web dans laquelle je m'entretiens pendant plus de 3 heures avec de nombreuses personnes qui nous parlent de diverses passions qui occupent notre quotidien de tous les jours. Au cours des années, nous avons amassé plusieurs centaines d'entrevues que nous vous présentons ici de façon individuelle avec des sujets qui passeront du cinéma à la musique, du jeu vidéo au comique et la bande dessinée, sans oublier des univers tels que l'astronomie, la mythologie, l'archéologie, la littérature, le paranormal et bien d'autres sujets. De plus, je vous présenterai également de multiples entrevues que j'ai réalisées avec diverses célébrités de différents milieux. Dans cette émission, le professeur en anthropologie Martin Hébert nous parle des liens entre l'univers de l'anthropologie et l'univers de la science-fiction, tout principalement la relation entre l'existence de la race humaine et l'existence de races extraterrestres. Il y a quelque temps, nous avons eu la chance d'accueillir à l'émission M. Martin Hébert qui nous avait parlé d'anthropologie. Puis si vous vous rappelez bien, j'avais été un petit peu taquin parce qu'on n'avait pas nécessairement tout dévoilé au début de la chronique. On avait juste dit qu'on parlait d'anthropologie, mais qu'on gardait quelque chose en stand-by en arrière. Puis à toute dernière seconde, on vous a dévoilé le punch en vous disant « on va parler d'anthropologie mélangée un petit peu avec l'univers de la science-fiction, que ce soit au niveau littéraire, au niveau cinéma ou au niveau télévisuel ». Et ce qu'on va faire aujourd'hui, M. Hébert, je pense, dans cette chronique-là, c'est de faire le lien entre les deux médias, c'est-à-dire entre l'anthropologie, la science-fiction. Absolument. Donc, je pense que vous me disiez, qui sont-ils, qui sommes-nous? Absolument. D'abord, merci beaucoup, Christophe, de me recevoir aujourd'hui. Ah, ben, écoutez, ça fait plaisir. Oui, essentiellement, on a eu une première chronique où on faisait un survol de l'anthropologie. Après ça, on a dit, ben, il y a des ponts avec la science-fiction. Donc, ce que j'aimerais explorer aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler l'intersection entre ces deux manières de parler de l'être humain. C'est-à-dire que l'anthropologie, c'est quelque chose en soi, la science-fiction, c'est quelque chose en soi, mais il y a un ensemble d'œuvres, il y a un ensemble de questions sur lesquelles les deux se ressemblent, disons, grandement, ou en fait, où les deux s'inspirent l'une de l'autre. Okay. Première chose qu'il faut comprendre, c'est que le discours anthropologique et le discours de la science-fiction sont apparus relativement tardivement et dans un domaine, dans un espace très particulier qui est l'Occident, au 19e siècle essentiellement. Donc, évidemment, je pense que vous me disiez milieu des années 1800. Oui, 1850, disons. Là. Science-fiction, il y a des œuvres un peu antérieures donc, qui sont vraiment associées. Bon, on dit souvent que la science-fiction naît avec Frankenstein de Mary Shelley, 1821. Il y a eu plusieurs versions, mais 1821. Donc, vous voyez, on est vraiment dans des thématiques du 19e siècle. Et déjà là, dans Frankenstein, vous voyez la réflexion sur la frontière entre l'humain et le monstre, essentiellement. Ouais. Donc, il y a cette réflexion-là qui est déjà présente dans la science-fiction naissante, et on est évidemment, dans une forme d'anthropologie là-dedans, parce qu'il va avoir des réflexions sur qu'est-ce qui définit l'humanité de ce monstre-là, sa capacité d'avoir des émotions. Est-ce que c'est un être, d'abord, pour commencer? Parce que pour eux autres, c'est une création, mais comme c'est pas une création de Dieu, donc c'est... ils appellent ça une créature, un monstre, mais c'est comme... Est-ce qu'on peut dire que c'était pour eux autres comme démoniaque? Ben justement, on est à une époque où on tente de sortir des explications théologiques pour entrer dans des explications scientifiques. Et la première caractéristique de ces explications scientifiques-là, c'est de dire ben, que l'être humain est un corps, est un animal animé qui, pour des raisons qu'on ne comprend pas trop à l'époque et qu'on ne comprend pas tout à fait encore aujourd'hui, est un animal qui pense, qui a des émotions, qui a un sens du moi, etc. Donc déjà là, vous voyez, on est au tout début de ce... Donc, de cette différenciation entre l'anthropologie et la science-fiction, et déjà, il y a des ponts entre les deux. Mais évidemment, si on recule plus loin en arrière, ben là, cette distinction-là disparaît presque totalement. C'est-à-dire que l'anthropologie, disons, ancienne, avant l'émergence de la discipline, était profondément ancrée, par exemple, dans des récits de voyage. Okay. Donc, durant la découverte... mettons Christophe Colomb. Disons, au moment où les Européens commencent à se promener un peu plus sur la planète, ils développent des discours sur l'autre. On a rencontré tel type de personne ou tel type d'animaux, tel type... effectivement, le contact avec les Amériques va générer énormément de spéculations, de récits, de réflexions, et qui vont créer toutes sortes de stéréotypes, etc. Donc, c'est une sorte de science-fiction pratiquement de l'époque. Là. Mais il n'y a pas de gens qui vont étudier ce domaine-là à cette époque-là. Je veux dire, pour eux, ils ne vont pas commencer à avoir des gens qui vont commencer à étudier d'où viennent les Indiens ou d'où viennent leur génération, comment ça fonctionne. Ça va être vraiment du cas par cas raconté de Monsieur Tout-le-Monde à Monsieur Tout-le-Monde. Il y a des gens qui spéculent, okay. Effectivement. Donc, on a un récit sur... Qui pourraient être ces gens-là? Bon, par exemple, dans le contact avec les peuples autochtones des Amériques, on va se dire, ben, est-ce qu'ils ont été créés par... Est-ce que leur existence peut être réconciliée avec... Notre Dieu et notre théologie. Et là, on va... Donc déjà, ça, c'est au début du 18e siècle. Donc on recule encore d'un siècle par rapport à Mary Shelley. Où carrément, il y a des réflexions justement pour savoir ben, jusqu'à quel point est-ce que on se ressemble. Et c'est pour ça que je disais que la question centrale, tant à l'anthropologie qu'à la science-fiction, va toujours être cette dichotomie, on pourrait dire, entre le « nous » et le « eux ». On ne donne pas de contenu particulier, c'est juste qui est-ce qui me ressemble, qui est-ce qui est différent de moi, pourquoi, qu'est-ce qui fait... Donc, la réflexion sur cette frontière-là est vraiment le ressort de toutes ces formes de discours. Donc, si on en revient avec Frankenstein, ce qu'on disait tantôt, c'est l'être humain qui crée une créature, mais l'être humain est un être humain, mais l'être humain ne peut pas créer une créature puisque seul Dieu peut faire la création. Mais là, on met un récit où est-ce que là, c'est l'être humain qui le crée, sauf que est-ce que cette créature-là a une conscience? Normalement, elle ne devrait pas parce que ce n'est pas Dieu qui l'a créé. Questionnement comme ça. Oui, absolument. Donc, la question fondamentale revient, est-ce que cette créature-là fait partie du « nous »? Est-ce qu'on peut l'inclure dans notre société, dans le groupe qu'on considère comme étant « nous » ou est-ce qu'elle est fondamentalement différente et doit être rejetée dans le « eux » ? Donc, ça a l'air abstrait comme ça, mais c'est des discussions qu'on a constamment. Évidemment, aujourd'hui, le principe de l'unité de l'espèce humaine est acquis, mais c'est quelque chose qui est arrivé très tardivement. Je veux dire, longtemps, entre autres dans des théories très racistes, mais il y a eu, encore là, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, l'idée que finalement, l'être humain pouvait être composé de plusieurs espèces différentes. Et encore aujourd'hui, dans quand on parle de la préhistoire humaine, de la paléontologie humaine, on trouve plein de fossiles différents avec des petites différences les uns par rapport aux autres. Et la question, c'est toujours la même. Est-ce que ils nous ressemblent ou est-ce qu'ils sont différents? Et là, il y a toute la question des critères. Mais je veux revenir peut-être sur quelque chose de, oui. avant d'aller trop loin là-dedans. Ce qu'il faut remarquer, c'est que là où l'anthropologie et la science-fiction se touchent, c'est dans la production de récits sur l'humain la plupart du temps et ses frontières, on pourrait dire. Donc, même l'anthropologie la plus scientifique, la plus, disons, le nez collé sur les faits et les... à un moment donné, doit se prononcer, doit raconter une histoire au public. On voit ça chez les archéologues beaucoup. Les archéologues trouvent toutes sortes de petits tessons. Puis... Mais à un moment donné, vous ne pouvez pas juste dire « J'ai trouvé 4200 tessons de poterie sur mon site et je ne peux pas me prononcer sur ce que ça veut dire. » Les gens vont vouloir voir une maquette, veulent voir un dessin de comment ça se passait durant la préhistoire, etc. Donc, vous êtes nécessairement obligé d'enrober d'une certaine façon vos, de faire une interprétation. Exactement. Et toute la question de ce pont entre l'anthropologie, la littérature, le cinéma, la BD, etc., va tourner autour de cette question de l'interprétation. Ce qui différencie l'anthropologue rigoureux avec l'artiste créateur, c'est juste le niveau d'interprétation. Mais les deux vont en faire. Et là, il y a eu des débats depuis les années 80 fascinants en anthropologie où les gens disaient ben, finalement, l'anthropologie, c'est juste un autre genre littéraire, essentiellement. Parce que même si on parle de société qui existe aujourd'hui, vous devez la mettre en récit pour la communiquer. Même si, on va parler dans d'autres chroniques de toutes les critiques qui ont, qui ont été faites sur la représentation de l'autre, là, que, et toutes les, tous les filtres que ça implique et tous les biais, etc. Mais partons du cas le plus simple, archi simple. Je vous demande de me décrire votre société. Parlez-moi de votre culture, de votre société, de l'histoire de votre peuple, ou peu importe. Nécessairement, vous allez avoir à réduire une complexité immense. C'est, même si vous connaissez cette société-là comme personne d'autre la connaît, pour la communiquer, pour communiquer quelle est, selon vous, la société québécoise ou quelle est, selon vous, peu importe. Il faut faire un résumé. Il faut faire un résumé, exactement. Et ce résumé-là passe toujours par des formes quasi littéraire. Vous devez raconter une histoire, vous devez situer votre société dans un développement historique. Il y en a qui vont parler de son destin, il y en a qui vont parler de presque de son naissance. Ma société se résume à tel trait fondamental, etc. Donc, il y a plein de manières de le faire, mais on est dans de la production de discours. De l'autre côté, la science-fiction qu'on pourrait facilement voir comme simplement une fabulation, comme un pur discours déconnecté de tout, doit s'alimenter quand même à la réalité, à des exemples, à des inspirations pour avoir un sens. Vous ne pouvez pas inventer une société fictive totalement à partir de zéro sans avoir aucun référent. Donc, nécessairement, dans votre société, il va y avoir un système politique. Vous pouvez faire le tour de la science-fiction. Normalement, on peut identifier peut-être 3 ou 4 systèmes politiques qui sont mis en place. Là. La diversité n'est vraiment pas énorme. Votre monde doit avoir une économie. Votre monde doit avoir une manière de penser la reproduction. Donc, votre monde va probablement avoir une mythologie, une religion, etc. Donc, des gens qui travaillent, par exemple, dans l'industrie du jeu vidéo, des auteurs de science-fiction qui veulent créer des univers, des gens qui veulent créer un univers cinématographique ou un univers dans une série de télé, très, très rapidement se retrouvent devant le besoin de formuler l'anthropologie fondamentale de leur société. En disant, OK, c'est quoi le ressort de ma société ici? Donc ici, vous voyez que ce qui était au départ deux genres et deux discours très différents commence à se mêler d'une façon qui est quand même assez inconfortable dans certains cas, de part et d'autre. Dans l'être humain, qu'est-ce qui aurait fait bouger plus l'évolution? L'anthropologie basée à travers les contes racontés par d'autres personnes ou l'anthropologie à partir d'œuvres littéraires? Parce que là, tantôt, on parlait des années 1800, mais qu'est-ce qui a été le gros déclencheur pour l'évolution humaine? Ça a-tu vraiment été juste le monde qui revient de bateau puis qui raconte qu'est-ce qu'il a vécu puis les sauvages qu'il a rencontrés puis leur évolution d'après sa vision? Ou vraiment des artistes ou des auteurs qui ont écrit des œuvres comme justement Marie Shelley ou encore Jules Verne ou d'autres artistes ou d'autres auteurs qui ont fait beaucoup évoluer les choses parce qu'ils ont été, eux, avec une vision futuriste qui a peut-être justement fait en sorte que là, les gens se sont posés beaucoup de questionnements. Oui, excellente question qui nous ramène en fait à l'origine commune entre, on pourrait dire, l'anthropologie et la science-fiction occidentale, mais disons, qui nous ramène à l'origine d'à peu près tous les genres littéraires occidentaux, c'est-à-dire l'Odyssée d'Homère. L'Odyssée d'Homère est remarquable dans la tradition occidentale précisément parce que c'est le moment où quelqu'un décide de mettre par écrit une tradition orale. Avant Homère, toutes les histoires qu'Homère raconte, y compris d'avoir rencontré des cyclopes, d'avoir rencontré des peuples de géants, d'avoir... Donc, des discours sur l'autre aussi, y compris à l'époque, l'autre, c'est le panthéon des dieux dans la tradition occidentale. Donc, Homère met ses poèmes par écrit. Et à partir du moment où ils sont par écrit, ils vont connaître une circulation qui est complètement différente de ce qu'elle était avant. Donc, on ne peut pas dire qu'un mode fait changer, disons, les mentalités ou la société plus rapidement ou plus que l'autre, mais il y a certainement des différences fondamentales. Il y a une circulation différente. Parce qu'à partir du moment, par exemple, où les textes d'Homère commencent à circuler, ce qu'on voit émerger, c'est des gens commencer à tenter de valider les informations qui sont données là-dedans. Et il va avoir tout un discours, y compris dans l'Antiquité, jusqu'au début du Moyen Âge même, où les gens vont vraiment parler d'Homère le menteur, par exemple. Donc, on va avoir un rapport très complexe au discours que lui va avoir mis sur pied, diffusé, là, parce que une fois que c'est écrit, vous pouvez prendre le texte et aller vérifier par vous-même. Quand quelqu'un vous raconte une histoire les yeux dans les yeux, c'est très mal vu de contester ce que cette personne-là vous dit. Donc, dans le rapport de transmission qu'on voyait dans la tradition orale et qu'on voit encore dans la tradition orale, le rapport entre la personne qui raconte l'histoire et la personne qui la reçoit est totalement différent que quand vous vous retrouvez seul face à un texte écrit. Donc là, ça va... Mais ça peut le contexte de dire voyons, comment on dit ça donc? Les dires partent, mais les écrits restent. Oui, parce que veut pas... quand tu as un écrit, il va rester là. L'autre, tu le verbalises, mais de personne en personne, il peut changer. Alors que l'écrit, lui, ne bougera pas. Donc, ça va être plus facile de critiquer quelque chose qui est par écrit que quelque chose qui est dicté. Parce que une personne va te raconter une chose, mais la personne d'à côté va te raconter la même chose. Elle va dire, ouais, mais moi, c'est pas ça que j'ai entendu. Moi, j'ai entendu ça. Puis, ouais, mais non, c'était comme ça. Alors que l'écrit, lui, il demeure parce que d'un endroit à l'autre, à moins que la personne ait changé de quoi à l'écriture, normalement. Ça va toujours être la même chose. Absolument. Donc, il y a vraiment ici, justement, un rapport qui est tout à fait différent dans le sens où, justement, quelqu'un vous raconte une histoire oralement, vous revenez en disant, je suis allé dans le pays dont tu m'as parlé, j'ai vérifié, j'ai pas trouvé de géant. Ben, votre interlocuteur peut dire, en fait, c'est que tu m'as mal compris, c'est pas vraiment ce que je disais. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la tradition orale, elle est vivante, elle est constamment négociée et c'est vraiment un événement. Quand on parle, ce qui est important, c'est l'événement, le contact entre nous. Effectivement, quand le texte a une vie par lui-même, il peut être repris, critiqué de loin, etc. Et c'est pour ça, entre autres, qu'on va commencer à parler justement avec l'émergence de la science-fiction littéraire en Occident. Je dis en Occident parce qu'on va voir dans d'autres chroniques probablement que c'est un discours qui a été réapproprié dans différentes parties du monde pour toutes sortes de raisons. Mais on dit de la science-fiction qu'elle est devenue un méga-texte mondial. C'est-à-dire que là, l'histoire de Frankenstein, elle est là, présente, comme en arrière-plan, fait partie d'une sorte de patrimoine commun que les gens peuvent reprendre, piller, transformer, défaire, refaire, etc. Et constamment, disons, réinventer, mais en rapport avec une version de référence qui est l'ouvrage de Mary Shelley. Alors que dans la tradition orale, la version de référence n'existe pas. Donc, c'est plus fluide et c'est plus... Donc, je ne sais pas si vous voyez la différence, mais la science-fiction prend tout le temps, rajoute des couches, alors que la tradition orale s'étend, on pourrait dire. Point de vue anthropologie, Mary Shelley, 1821 qu'on disait tantôt, ouais. On fait une œuvre où est-ce qu'on montre que l'être humain peut créer une créature à son image, donc un autre humain, entre guillemets. Puis c'est écrit par une femme par-dessus le marché. Ça a dû faire un choc culturel incroyable. Malgré que je me rappelle pas si Mary Shelley était vraiment identifiée comme étant une auteure féminine au moment où Frankenstein est sorti, en 1821, parce que je suis pas sûr qu'elle avait le droit de mettre son nom comme auteur. Oui, mais... la mère de Mary Shelley était une féministe reconnue et affirmée. Donc, elle était tout à fait au courant et consciente des enjeux, justement, de ce qu'on va appeler l'aliénation par rapport à une société. Okay. Et Mary Shelley a effectivement exploré cette dimension-là. C'était une femme aux ambitions littéraires, certainement, c'était dans l'air du temps, mais même si elle venait d'une famille progressiste, on pourrait dire, pour l'époque, elle sentait très bien la pression et les limites, disons, à sa carrière possible. Donc, effectivement, il y a un niveau dans Frankenstein qui est pas si profond que ça, qui est juste sous la surface, de réflexion sur ce que c'est que d'être coupé ou en tout cas marginalisé dans une société. Donc, d'être l'image typique du monstre de Frankenstein, c'est quand il est dehors, il vient de prendre conscience et il est à la fenêtre d'une hutte et il écoute une petite maison de campagne et il écoute les gens à l'intérieur. Donc, ça, c'est l'image, justement, de l'être qui n'est pas inclus, n'a pas sa place à l'intérieur du foyer, qui est juste à la fenêtre en train d'essayer d'entrer. Et je pense que Mary Shelley avait cette impression par rapport à sa propre société et surtout par rapport au monde littéraire de sa société où elle était proche, elle était très, très proche dans bien des cas, mais jamais tout à fait prise au sérieux, jamais tout à fait acceptée dans ce monde-là. Ouais. Okay. Fait que finalement, Frankenstein, c'est la vision d'une femme, de la femme dans la société des années 1800. Ben, écoutez, c'est un niveau, certainement, ouais. et c'est ça la beauté d'interpréter des textes. On peut y trouver beaucoup de choses, mais ce serait quand même naïf de penser que Mary Shelley n'a pas réfléchi à sa propre condition à travers son monstre. Là. OK. D'autres œuvres qui pourraient nous intéresser dans cette période-là pour nous montrer justement qui sommes-nous et qui sont-ils? Oui, bien... Qui vont brasser un petit peu la société et tout ça? Oui, bien, une œuvre majeure qui ne peut pas vraiment être contournée ici, c'est l'Utopie de Thomas More, 1516. Non, c'est bien avant Frankenstein, ça, là. Oui. Et alors que Frankenstein... réfléchit sur, on pourrait dire, la condition de l'être humain, donc la condition de l'individu, l'Utopie de Thomas More réfléchit d'abord sur la société. Et ça, c'est un des clivages qu'on va explorer beaucoup dans cette chronique-ci, c'est-à-dire le collectif versus l'individuel. Et Thomas More, c'est vraiment le fondateur d'un récit sur le collectif en définissant sa société fictive comme une société idéale. Donc, il se sert de ce miroir qui est la société fictive, pour essentiellement passer son message politique. Donc, il va amener toutes sortes de mesures que lui pense progressistes et qui viendra améliorer le sort de l'humanité à travers son utopie. Et on est ici encore avant la bifurcation entre le discours anthropologique et le discours de la science-fiction. Et effectivement, l'anthropologie et la science-fiction se revendiquent toutes deux de cette œuvre majeure de Moore, et bon, qui a inventé littéralement le terme d'utopie. Donc oui, on va avoir à discuter de ce genre particulier-là, mais qui montre très bien que quand on parle d'une société, quand on décrit une société imaginaire, on n'est pas nécessairement juste dans une volonté de vouloir être objectif. Il y a aussi une volonté, dans certains cas, comme chez Moore, c'est évident, d'inspirer les gens, de donner des messages, de dépeindre la société qu'on voudrait bien voir arriver. Et même les anthropologues les plus rigoureux qui ont voulu décrire de la manière la plus objective les sociétés qu'ils décrivaient n'étaient pas exempts de ce désir-là de dépeindre la société de chasseurs-cueilleurs, par exemple, qu'ils étaient en train d'étudier comme une société où les gens sont plus heureux, une société qui est plus en harmonie avec la nature, etc. Donc, il y a plein de caractéristiques comme ça de ces sociétés idéales. Sans embarquer trop loin dans ça, parce que je vois que le temps file déjà, c'est incroyable ouais. Parce que ça va vite quand on s'amuse. On parle de qui sommes-nous, qui sont-ils. Mm-hmm. On a parlé de nous, mais on n'a pas parlé de race extraterrestre. Mm-hmm. Donc, des romans ou même des films ou des choses qui s'en viennent comme ça. Je suppose qu'on va en parler dans d'autres chroniques. Absolument, oui. L'idée du contact extraterrestre, c'est un thème en soi, mais on peut voir ici que c'est quand même quelque chose qui s'est développé à partir de l'idée du contact avec des êtres terrestres qui sont différents de nous. Mm-hmm. Donc... Parce que tantôt, vous dites, justement, là, on est rendu dans une société où les gens sont... Ils se connaissent un peu toutes maintenant, là. Donc, il n'y a plus autant de chocs culturels comme il y avait dans les années 1800 ou ainsi de suite. Mais là, maintenant, il me semble que c'est exactement le même choc culturel, mais comme on n'est plus capable de le faire entre nous autres, on cherche comme à tout simplement l'écarter puis aller le chercher ailleurs. Oui, absolument. Ben, si vous regardez juste rapidement l'évolution du discours sur l'autre... L'autre a commencé comme étant le voisin dans le village à côté, après ça, l'autre côté des montagnes, et quand... Le continent, des Amériques par rapport à l'Europe, l'Afrique, l'Asie, ont tous été fait l'objet de fiction. Et ça, il y avait les races. Ben, effectivement, avec des visions très positives, très négatives de chacune. Quand on a commencé à faire le tour de la Terre assez régulièrement, on s'est mis à s'intéresser... à la Lune, d'abord. Donc, tous les récits sur les sélénites. Vous avez, à partir du 18e siècle, certainement, des récits de gens qui font le tour du système solaire, qui rencontrent toutes sortes d'êtres et de sociétés dans le système solaire. Puis quand on a mis le pied sur la Lune, ben on a été encore plus loin. Et là, on devient fasciné par ce qui est à l'extérieur du système solaire et toujours de plus en plus loin et de plus en plus différent aussi. Mais, fondamentalement, on reste dans la même réflexion. Y avait-tu autre chose à rajouter avant de finaliser ça, celle-là? Il y en aurait énormément, mais on va garder ça pour d'autres fois. Alors, merci beaucoup, Martin. Et puis, de toute façon, encore plein d'autres choses passionnantes là, qui s'en viennent dans les prochains mois là-dessus. Merci à toi. C'est déjà tout pour cette émission abrégée de Fantastica. Si vous désirez nous suivre, vous pouvez écouter notre programme de 3 heures qui est diffusé une fois ou 2 semaines et ce, en vous inscrivant gratuitement à notre page Facebook de Fantastica Radio Web afin de connaître les dates de diffusion des nouvelles émissions. De plus, il vous est possible de vous rendre sur notre site web au www.fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, afin d'obtenir plus d'informations sur cette émission, mais également sur mon podcast Programme Double, dans lequel je vous parle de la création de divers films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à nous rejoindre de nouveau ici même afin d'écouter notre prochaine édition abrégée